Le miroir par André Theuriet. Le soir du 11 pluviose en deux de la République, le 1er février 1794, Mademoiselle Nanine de Seigneul, qu'à cette époque où la terreur battait son plein on appelait tout uniment la citoyenne Seigneul, remonta de bonne heure dans sa chambre à coucher. En ces temps troublés, elle vivait seule avec une vieille bonne dans une maison de campagne qui lui venait de sa mère et qui était située aux Œillons, près du village d'Écouviers, à une petite lieue de la frontière belge. Après avoir passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence dans ce pays perdu, elle s'était réfugiée de nouveau lors de la mise au séquestre de l'hôtel patrimonial qu'elle habitait à Verdun avec le marquis de Seigneul, son père, et qui avait été confisqué comme bien d'émigré depuis que le marquis était allé rejoindre l'armée de Condé. Les Œillons et Écouviers n'étant point encore agités par l'esprit révolutionnaire, Mademoiselle de Seigneul, aimée et respectée de tous les paysans du voisinage, s'y trouvait en une presque absolue sécurité. Ce soir-là, pendant tout le souper, sa vieille bonne Bastienne lui avait conté des choses renversantes à propos des visions et évocations de la nuit de la Chandeleur. Elle lui avait même assuré qu'en plaçant un miroir sous le traversin et en prononçant certaines paroles, on pouvait voir cette nuit-là, pendant son sommeil, l'homme qu'on aimerait et qu'on épouserait plus tard. Nanine, légèrement superstitieuse, brûlait de vérifier le fait. C'est pourquoi elle était remontée chez elle aussitôt après souper. Une fois seule et à demi dévêtue, elle prit un miroir à main et, avant de le cacher sous l'oreiller, elle s'y regarda complaisamment. Mademoiselle de Seigneul entrait dans sa 24e année et sa beauté atteignait son plein épanouissement. Grande, svelte, faite au tour, comme on disait en ce temps-là, elle avait de jolis cheveux noirs frisottants, de grands yeux bruns, la peau blanche, une petite bouche dont le sourire creusait de mignonnettes fossettes au milieu des joues. Elle avait aussi le sang vif, héritage d'une longue lignée d'aïeux verts galants, et le cœur très tendre. Bien qu'on fût au fort de la terreur, on n'en songeait pas moins aux choses de l'amour, et cette adorable fille, tout en vivant fort sagement, se lamentait en secret de sa solitude et se morfondait de n'avoir point d'amoureux. Mais quoi? Les occasions devenaient de plus en plus rares. Les jeunes gens de qualité qui auraient pu s'éprendre d'elle avaient tous émigré et elle était trop fière pour épouser un malotru. Après avoir étouffé un soupir de regret, demi-amusé et demi-crédule, elle se décida à prononcer les paroles sacramentelles que lui avait enseignées Bastienne. « Miroir, fais-moi voir en dormant celui qui sera mon amant. » Puis, elle plaça le miroir sous le traversin, se coucha et s'endormit assez vite. Or, presque aussitôt, le charme opéra. Au milieu de son premier sommeil, elle vit en rêve une longue perspective de glace où se mouvait dans un brouillard une multitude de têtes bizarres. Peu à peu, le brouillard s'éclaircissait, les formes se précisaient, puis se fondaient en une seule apparition, très lointaine, dans l'enfoncement d'une nef d'église. L'apparition se rapprochait lentement, et alors Nanine distingua un vieillard à la tête chenue, aux joues ridées, en habit à la française, qui s'avançait vers elle et lui tendait la main. L'idée qu'elle était destinée à épouser ce vieux gentilhomme, pour le moins sexagénaire, l'effraya tellement qu'elle se réveilla frissonnante. Elle eut grand-peine à se rendormir et se leva, le lendemain matin, encore bouleversée de son rêve. Comme elle achevait sa toilette, Bastienne entra chez elle et dit en lui tendant une lettre « Mademoiselle, il vient de nous arriver un monsieur qui m'a prié de vous faire tenir ce billet et qui désire vous parler. » Nanine jeta les yeux sur la suscription du billet qu'elle décacheta précipitamment en reconnaissant l'écriture de son père. Voici ce qu'écrivait le marquis de Seigneul. « Ma chère Nanine, ce pli vous sera remis par un de nos compatriotes, le comte de Fréaux, que monseigneur le prince de Condé vient de charger d'une mission confidentielle en Lorraine. Donnez l'hospitalité au comte et cachez-le chez vous jusqu'à ce qu'il trouve un moyen sûr de se rendre à sa destination. Il vous mettra au courant de nos affaires et vous donnera des nouvelles de votre père, qui vous embrasse tendrement. François de Seigneul, Luxembourg, le 30 janvier. » Le cœur battant, Nanine se hâta de descendre dans la salle où on avait introduit le voyageur. Elle vit un gentilhomme qui paraissait avoir dépassé la cinquantaine, emmitouflé dans une longue houppelande brune, et ressemblant vaguement au vieillard de son rêve. Malgré son apparence caduque, ses traits tirés, ses paupières plissées, le comte avait l'œil vif, néanmoins, et ses fins sourcils bruns contrastaient avec ses cheveux gris qu'il portait très longs et noués sur la nuque par un ruban noir. Après de cérémonieux souhaits de bienvenue et de brefs renseignements sur la situation et la santé du marquis de Seigneul, M. de Fréau confessa à son hôtesse qu'il était rompu de fatigue, ayant fait à pied, nuitamment, la dernière partie de son voyage, et demanda la permission de prendre un repos dont il avait grand besoin. Nanine donna des ordres pour qu'on lui préparât une chambre. Il s'y rendit dès qu'elle fut prête et ne reparut plus de la journée. Mais vers le soir, Mademoiselle de Seigneul, ayant fait demander de ses nouvelles, il informa la jeune fille qu'il était complètement délassé et qu'il descendrait pour le souper. Il se présenta en effet vers 7 heures, rasé de frais, simplement vêtu d'un habit de gros drap brun à 2 rangs de boutons, avec les culottes grises collantes et les demi-bottes échancrées. Malgré ses rides, ses cheveux gris et ses épaules voûtées, il avait fort bon air, des manières distinguées, une courtoisie exquise et une vivacité extraordinaire pour son âge. On passa à la salle à manger et tout de sa tablière devant un bon feu de bois flambant. Le menu, surveillé par Mademoiselle de Seigneul, était substantiel et délicat, les vins de Moselle choisis parmi les meilleurs crus. M. de Fréau fit honneur au repas de son hôtesse et se montra beau convive et brillant causeur. Il avait de la verve, de l'imagination et racontait avec beaucoup d'esprit ses aventures d'émigrés. Fussent les faits de ce joli vin pétillant dont elle n'avait guère l'habitude, ou bien sa jeunesse et sa solitude prolongée la prédisposaient-elle à l'indulgence? Quand vint le dessert, Nanine de Seigneul commençait à trouver son hôte fort séduisant pour un homme qui cheminait vers la 60aine. Ils prirent le café au salon. Comme le clavecin était ouvert, M. de Fréau demanda à Nanine si elle était musicienne. Sur sa réponse affirmative, il avoua que lui-même avait été en son temps un chanteur assez agréable. Nanine lui proposa de l'accompagner et sans se faire prier, il lui chanta l'air d'Orphée « J'ai perdu mon Eurydice ». Il avait une voix remarquablement fraîche et jeune qui tint Mademoiselle de Seigneul sous le charme. La musique, on le sait, agit merveilleusement sur les sens et sur le cœur. Quand on quitta le clavecin, la conversation avait pris comme naturellement une tournure plus tendre, plus intime. Tout en gardant la mesure que lui imposait son âge, M. de Fréau était devenu empressé, presque galant. Sa conversation fleurait discrètement l'amour, ses yeux bleus avaient je ne sais quoi de plus caressant et de plus pénétrant. Lorsqu'à 11 heures il se retira, après avoir baisé longuement les mains de son hôtesse, il laissa Nanine fort troublée et tout honteuse de l'émotion que lui causait ce tête-à-tête avec un homme qui avait plus du double de son âge. Elle passa une nuit agitée, à se ressouvenir avec trop de complaisance des menus détails de la soirée, à laisser son imagination vagabonder en de singuliers rêves et à rougir ensuite de sa folie. Son réveil fut troublé également, mais d'une toute autre façon. Vers midi, le maire d'Écouviers arriva aux œillons par un chemin détourné et avertit Nanine qu'elle était soupçonnée de loger un émissaire de Pitt et Cobourg. De mauvais gars avaient vu M. de Fréau entrer chez elle et avaient couru la dénoncer au comité révolutionnaire de Montmédy. Une visite domiciliaire était imminente et il venait l'en prévenir en ami. « Que faire ? » s'écria Mademoiselle de Seigneul effarée. « Il faut, reprit le brave homme, vous débarrasser au plus tôt de ce dangereux visiteur. Il y a au bout de votre parc un pavillon perdu dans les arbres. Cachez-y ce monsieur jusqu'à la nuit. Mon fils viendra le prendre dès qu'il fera brun et le reconduira par les bois à la frontière. Dès que votre homme entendra le cri de la hulotte, il n'aura qu'à enjamber la fenêtre du pavillon et il trouvera mon garçon au pied du mur. » C'était en effet le seul moyen de salut. Nanine, toute tremblante, alla instruire M. de Fréau du danger qui le menaçait, le fit déjeuner hâtivement dans sa chambre et le conduisit elle-même au pavillon où elle demeura avec lui, frissonnant au moindre bruit, l'oreille au guet et craignant à chaque instant quelque surprise. Lui, au contraire, habitué à de semblables alertes, se montrait philosophe et ne regrettait qu'une chose, quitter si précipitamment sa charmante hôtesse. La voyant très effrayée, il essayait de la rassurer avec d'affectueuses démonstrations, d'abord paternelles, puis de plus en plus caressantes. Les heures de l'après-midi s'écoulèrent ainsi avec des alternatives d'anxiété et de mélancolique tendresse. Malgré ses transes, Nanine était étonnée et attristée de voir le temps fuir si rapidement. À la Chandeleur, la nuit vient vite. Vers 5 heures, la petite pièce octogonale du pavillon s'emplit d'obscurité. « Allons, » soupira M. de Fréau, « le moment de la séparation approche. » Il prit les mains de Nanine. « Avant de m'éloigner, laissez-moi, mademoiselle, vous remercier de votre bon accueil et vous jurer que j'en garderai un éternel souvenir. » Tout en parlant, il la tirait vers lui, lui baisait le front d'abord, puis les yeux. Nanine, étourdie, le cœur serré, se sentait en proie à une soudaine langueur. Sa tête tournait, mais c'était un vertige très doux, un éblouissement délicieux. Tout à coup, ses lèvres se posèrent à leur tour sous les joues de M. de Fréau, qui tressaillit, et avec une fougue toute juvénile, répondit par des caresses passionnées. Pendant une minute, ils oublièrent tout dans cet emportement d'amour. Soudain, le cri de la hulotte, retentissant au fond du chemin, les rappela à la réalité. « C'est le signal !» balbutia Nanine. « Adieu !» Il voulut la ressaisir, mais elle se recula avec effort. « Partez » supplia-t-elle. Fréau enjamba lestement la fenêtre et disparut dans le sentier enténébré. Revenue à elle, et toute remuée, toute confuse d'une pareille faiblesse, Mademoiselle de Seigneul regagna son logis. Il était temps. Les perquisitionneurs arrivaient. Ils en furent pour leurs frais, se montrèrent en somme assez accommodants et s'en retournèrent après avoir bu de larges rasades à la santé de la citoyenne. Nanine se clapmura dans sa chambre afin de se soustraire au regard de la vieille Bastienne. Il lui semblait qu'on devait lire sur son visage ses remords et aussi ses regrets. Tout en rêvant au fugitif, elle s'en voulait de cette impardonnable défaillance qu'il avait jetée dans les bras d'un homme presque aussi âgé que son père. Le lendemain, le maire vint la rassurer sur le sort de M. de Fréau. « Il a, lui dit-il, passé la frontière sans être inquiété, et mon garçon l'a conduit jusqu'à Birton. » « Il devait être vanné de fatigue, » soupira Mademoiselle de Seigneul. « Songez donc, faire à pied une si longue traite, à son âge. »« À son âge, » répliqua le paysan en éclatant de rire. « Eh, il n'a pas plus de 30 ans. Il s'est démâchuré et blanchi pour n'être pas reconnu. Mais une fois en Belgique, il a jeté sa perruque, et notre Claude s'est trouvé nez à nez avec un jeune et joli garçon. « Ah !» murmura Nanine, devenue de nouveau rêveuse et attendrie. En même temps, ses yeux se mouillaient, et elle songeait à ces brèves minutes d'amour qui ne reviendraient jamais plus. Lorsque le comte de Fréau rentra, en 1815, avec Louis XVIII, il était cette fois mûr et grisonnant pour tout de bon. Le roi, en récompense de ses services, le nomma inspecteur des forêts dans le pays messin. M. de Fréau s'enquit de Mademoiselle de Seigneul. Elle était restée fille et vivait toujours aux Œillons. Il l'alla voir, la trouva séduisante encore, malgré ses 45 ans, et l'année d'après, ils s'épousèrent. Et ce fut ainsi que se réalisa pour Nanine sa vision de la nuit de la Chandeleur. Ainsi s'achève Le Miroir par André Theuriet.